Anaïs est sans nouvelles de sa sœur Esther. Avec l'aide d'un ami, commandant de police, elle part enquêter sur cette étrange disparition. Mais en cherchant la vérité, tous deux vont s'enfoncer aux origines du mal. Qui sème la vengeance récolte le chaos. Plongez dans Délivre-nous du mal, le nouveau thriller de Christelle Duchamp, aux éditions de l'Archipel. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le procès Merah, premier d'une longue série sur les attentats terroristes qui ont frappé la France depuis 2012. Le 11 mars de cette année-là, le militaire Imad Ibn Ziaten est tué d'une balle dans la tête sur un parking dans le sud-est de Toulouse. 4 jours plus tard, 2 autres militaires, Abel Chenouf et Mohamed Leguad, sont assassinés à Montauban. 1/3, Loïc Liber, est grièvement blessé. On parle désormais du tueur au scooter, pas encore identifié. Le 19 mars, ce même tueur se présente devant l'école juive Ozar Hatorah, ouvre le feu et tue froidement Jonathan Sandler, un professeur, puis 3 enfants. Gabriel, 3 ans, Arié, 6 ans, Myriam, 8 ans. Infanticide antisémite, le massacre des innocents, la transgression ultime. 2 jours plus tard, le tueur est identifié. Il s'appelle Mohamed Merah, il a 23 ans. Dans la nuit du 21 mars, son appartement toulousain est encerclé par le raid. Au terme d'une intervention qui dure 32 heures, le terroriste est abattu. Et une question se pose alors, y aura-t-il un procès Merah? Et qui sera dans le box? Notre invitée aujourd'hui est Charlotte Piret, journaliste justice à France Inter, co-autrice de l'ouvrage Chronique d'un procès du terrorisme, l'affaire Merah, publié en 2019 aux éditions de La Martinière. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Toulouse, mercredi 21 mars 2012, 2h45 du matin. Des membres du RAID, l'unité d'intervention de la police nationale, pénètrent dans l'immeuble où se trouve l'appartement de Mohamed Merah, 17 rue du Sergent Vignier. Ils progressent en toute discrétion, pas de lumière, le moins de bruit possible. Ils comptent sur l'effet de surprise. Le terroriste allait dormir, arrivé à hauteur de la porte d'entrée, ils installent un vérin pour forcer l'ouverture. Mohamed Merah, lui, derrière la porte. Et il ne dort pas. Et pour cause. Il vient juste de rentrer d'une virée nocturne où il a déjoué la surveillance policière en passant par les sous-sols. Alors, il prend une arme et tire à travers la porte. Surpris par ce déluge de feu, les policiers répliquent et se protègent derrière leur bouclier. Cette interpellation devait être discrète, rapide. Elle va durer 32 heures en direct devant des millions de téléspectateurs. À 16h30, un dialogue s'établit avec le terroriste. Locas Merah revendique les attentats au nom d'Al-Qaïda et décrit en détail sa dérive criminelle, ses voyages en Afghanistan. Il demande à parler à un policier des renseignements généraux de Toulouse qui le connaît bien. Ce dialogue est reconstitué dans la fiction Affaires sensibles pendant la voie du djihad. Mais écoute, je vais pas te mentir, je suis fatigué. Je vais me rendre, ok? C'est la meilleure chose à faire. Mais après la prière, après la doua du soir. Ah d'accord, je vais prévenir. Bon, comment on fait? Tu sors alors qu'on va se fixer. Au rez-de-chaussée, tu sors sur le balcon, main sur la tête, et un homme sans armes viendra te chercher. Il viendra par la rue, d'accord? Ah d'accord. On dit minuit? Ok Mohamed. Minuit. T'as ma parole que personne va tirer. Ok, et déconne pas, je te fais confiance. Au même moment, à Montauban, le président de la République, Nicolas Sarkozy, participe aux funérailles des 3 militaires tués par le terroriste. L'une des meilleures victimes lui demande de capturer Merah vivant pour qu'il y ait un procès. Nicolas Sarkozy lui en fait la promesse. Merah, lui, est, comme on vient d'entendre, a promis de se rendre. Alors dites, au PC de commandement des opérations, tout le monde est fébrile. On attend l'appel du patron du RAID. Mais aucune sonnerie, rien. Mauvais signe. Très vite confirmé, Mera a changé d'avis et il le dit au policier. Ouais, j'ai décidé de ne plus me rendre, officiellement. Je peux pas rouler, je peux pas. Ça va en contradiction avec tout ce que je fais et je peux pas me livrer comme ça. Il y a quelque chose qui te dérange dans tout le processus? Non, rien ne me dérange, c'est que je peux pas me livrer comme ça, tu vois. Comme j'ai dit, j'ai pas peur de la mort, t'avais, sinon j'aurais pas fait tout ça. Sachez une chose, que moi aussi j'en blesserai beaucoup d'entre vous. Ouais, c'est ce qu'on va voir, hein. C'est ce qu'on va voir. Le raid prépare alors l'assaut final. Toute la nuit, ces policiers balancent des grenades assourdissantes et aveuglantes dans l'appartement pour fatiguer Mera et l'empêcher de dormir. Jeudi 22 mars, 9h30. Grâce à une caméra thermique, le raid a localisé Mera dans la salle de bain. Il ne bouge pas. Est-il mort? Endormi? Difficile à dire. Après 30 heures de siège, l'assaut est donc lancé. Les policiers parviennent à passer de petites caméras dans le mur de la salle de bain pour observer Mera, qui tout à coup se rend dans le salon et se met à tirer sans relâche. Les policiers qui ont pour ordre de tirer dans les jambes ne parviennent pas à stopper Mera, qui avance vers le balcon. L'arme d'un policier s'enraye. En grand danger, il sollicite directement les tirs de sniper. Mera est alors propulsé par des tirs au fond de la pièce. Mais il se relève, se dirige de nouveau vers le balcon et tire sur le policier à l'extérieur de l'immeuble. Les snipers l'abattent. Le corps du terroriste tombe à la renverse dans la rue. Nicolas Sarkozy s'adresse aux Français 1h30 après l'assaut. Tout a été fait pour que le tueur soit livré à la justice. Mais il n'était pas concevable d'exposer des vies pour atteindre cet objectif. Quatre des policiers du raid sont blessés par les balles du terroriste. Tous ont pris des risques pour ne pas tuer Mera et le faire comparaître devant un tribunal. Cinq ans plus tard, le procès Mera s'ouvre. Mais quel Mera? Mohamed Desplus. C'est son frère, Abdelkader, qui est dans le box des accusés. L'événement fait la une du journal de France Inter. Il est 8h03 et avant Marseille, la liste était déjà longue. Celle sans fin des attentats islamistes commis en France. Le précurseur en la matière, en quelque sorte, s'appelait Mohamed Mera. Il y a 5 ans, en mars 2012, il avait semé la terreur à Montauban puis à Toulouse, tuant 7 personnes, militaires, parents ou enfants d'une école juive, avant de trouver la mort lors de l'assaut du raid. Dans la famille Mera, c'est son grand frère Abdelkader qui est jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises spéciales de Paris. Lundi 2 octobre 2017, Paris, île de la Cité, palais de justice. C'est un procès hors norme qui s'ouvre ce jour-là. On dit souvent procès hors norme, parfois terme galvaudé, mais là, c'est le cas. 24 jours d'audience, 117 tomes de dossiers, 49 témoins, 11 experts, 160 journalistes, une vingtaine d'avocats et 232 parties civiles. Côté accusé, ils sont deux à comparaître devant la cour d'assises, spécialement composée de magistrats professionnels chargés de les juger. Il y a là Abdelkader Mera, donc, le frère aîné de Mohamed, et Feta Malki, l'ami d'enfance, soupçonné d'avoir fourni une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Mera. À 10h du matin, le procès commence dans la grande salle Voltaire. L'ambiance est pesante. La tension palpable. D'ailleurs, le président de la Cour prévient. Les faits que nous avons à juger sont terribles et ont suscité un émoi important dans l'opinion. Mais la justice a besoin de calme pour écouter chacun. L'unique objet de ce procès est de déterminer si les deux accusés sont coupables. Et en tout état de cause, ces deux hommes sont présumés innocents. Les deux accusés prennent place dans le box sous les murmures de la salle, archi-pleine. Abdelkader, de taille moyenne et de carrure imposante, est vêtu d'une chemise et d'un pantalon blanc. Il porte une longue barbe et ses longs cheveux sont attachés en catogan. Feta Malki, plus frêle, a des cheveux courts et bouclés. Avant même que les débats ne commencent, un incident se produit lorsque la mère d'Abdelkader Mera envoie un baiser à son fils. Alors des insultes fusent, venues des familles des victimes. Un policier tente de calmer la situation. Samuel Sandler, qui a perdu son fils et deux petits-enfants, s'exclame « Ils ont tué mes enfants. Vous entendez ? Ils ont tué mes enfants. » En quittant la salle, la mère défend son fils Abdelkader. Foulard noir et lunettes rectangulaires, Soulira Aziri, c'est son nom, répond à la presse. « Qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed ? C'est pas bien. Mon fils, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas bien. J'ai pas d'accord. Je suis désolé pour les victimes de la famille. Mais Abdelkader, il a rien fait. Il a rien fait, si. Pour lui. Avant de conclure, je vais me battre pour lui, pour mon fils. J'ai confiance en la justice. Du côté des partis civils, on attend aussi beaucoup de la justice. Radia Leguad, la sœur de l'un des militaires assassinés par Mehra, évoque son frère au micro de France Info. C'était un militaire français de confession musulmane. Je pense qu'il est important de le souligner, qui malheureusement s'appelait Mohamed comme son meurtrier, qui avait le même âge aussi, dur aussi à encaisser parfois. Je l'accompagne jusqu'au bout. Et justement, on espère par ce procès de pouvoir enfin faire le deuil. Je veux pas qu'on l'oublie, je veux pas qu'on oublie toutes ces personnes et toutes ces vies gâchées. Une chose est certaine, en ce début d'audience, le fantôme de Mohamed Merah plane dans la salle. C'était attendu, évident même. Antoine Mégy, chercheur spécialisé dans les procès pour terrorisme, explique la spécificité de celui-là. Dans le documentaire « Défense interdite » réalisé en 2017 par Justine Lafont et David Calvé, produit par Miroir Magique. Beaucoup de procès se déroulent avec des sortes de fantômes. Ce qui pose ici la question de savoir finalement ce qu'attend la société du procès. On a certes des fantômes, mais de l'autre côté, on a des parties civiles qui sont en nombre vraiment très importantes. Donc là, on a aussi le rôle de l'audience, le rôle de catharsis de l'audience. Mardi 3 octobre, deuxième jour d'audience, place à la personnalité et au parcours de vie des deux accusés. Abdelkader Mara d'abord, 35 ans, loisirs, le foot, la boxe, et me prosterner pour Allah, dit-il. Dans sa cité des Isards, à Toulouse, il avait gagné deux surnoms. Le premier, c'était Ben Laden. Abdelkader explique sans détour. C'est une histoire qui remonte au 11 septembre 2001. Il avait encore, alors passé sa journée à crier « Vive Ben Laden !» On peut s'identifier un criminel qui n'a pas idolâtré Jacques Mérine, hein ? Se justifie-t-il. Quant au deuxième surnom, Jack, il vient en référence directe aux grandes quantités de whisky Jack Daniels qu'il a pris l'habitude d'ingurgiter dès l'âge de 11 ans avec son grand frère Abdelghani. En vérité, pour Abdelkader, la vie est parfaite, jusqu'au divorce de ses parents. Parce qu'ensuite, c'est l'enfer. Dans cette famille de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, la violence est omniprésente. Abdelkader adore sa mère, mais la frappe régulièrement. Le rapport de l'aide sociale à l'enfance le présente comme tel, un garçon rebelle à l'autorité, à l'hyperactivité inquiétante, asocial, toujours à l'affût d'un mauvais coup. On avait cru comprendre. Le grand frère Abdelghani Merah, qui a pris ses distances avec sa famille, revient précisément sur l'atmosphère familiale au micro de Charlotte Piret de France Inter. Nos parents nous ont essayé de nous éduquer à travers le traumatisme post-colonial entre la France et l'Algérie, aussi la haine du juif. Et comme je dis souvent, Mohamed Merah, à ce moment-là, il a baigné dans tout ça. Il a été une bombe. Et les salafistes, Olivier Corel, Sabri Sid et Fabien Klein, ont été le détonateur de cette bombe. Votre frère Abdelkader aussi a été un détonateur ? Oui, il a fait partie du lot, c'est sûr. Ils ont envoyé Mohamed Merah faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, ou parce qu'ils savent qu'une fois que tu tues au nom de cette doctrine, ils savent que le bout du chemin, c'est la mort. Dans l'entourage des Merah, il y a donc la filière d'Artigas, du nom de ce village de l'Ariège, où s'est installé le salafiste Olivier Corel à la fin des années 80. Parmi la galaxie de djihadistes qui gravitent autour de ce groupe, on retrouve notamment les frères Klein, ceux qui ont revendiqué depuis l'État islamique les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Abdelkader explique alors au tribunal que c'est sa conversion à l'islam en 2006 qui l'a remis dans le droit chemin. Je n'ai plus jamais crié contre ma mère, plus jamais frappé mon frère. Oui, parce qu'à l'époque, Abdelkader a l'habitude d'éduquer son cadet Mohamed en lui assénant des coups. Un jour, il va même jusqu'à l'attacher à un lit et lui faire manger de la nourriture avariée. Mais il ne s'en prend pas qu'à son petit frère, non. Un jour, il poignarde 6 coups de couteau son aîné Abdelghani parce qu'il ne supporte pas qu'il sorte avec une Française qui, de surcroît, a des origines juives. Voilà pour la personnalité de l'accusé, emprisonné et à l'isolement depuis 5 ans. Selon les charges qui pèsent contre lui, Abdelkader Merah, passé par l'Égypte et proche de la filière Artigas, aurait été le cerveau des attentats commis par son frère. Et il l'aurait aidé à voler le scooter qui a servi aux tueries. Mais la seule grande question de ce procès, finalement, est la suivante. Mohamed Merah était-il un loup solitaire, comme l'ont présenté les autorités de l'époque ? Ou au contraire, a-t-il agi avec les complicités de son grand frère et de son ami d'enfance, Fethar Balki, aiguillonné ainsi par la logique mortifère et criminelle du djihadisme ? Inter, affaires sensibles. Au procès Merah, il ne s'était pas encore expliqué sur les faits. Abdelkader Merah, le frère du tueur, était interrogé cet après-midi sur le vol du scooter qui avait servi aux 7 assassinats, Charlotte Piret. Monsieur Abdelkader Mera, levez-vous, s'il vous plaît. Chemise blanche, lunettes sur le nez, les cheveux comme à son habitude noués en catogan. L'accusé déploie sa large carrure et pendant 5 heures se défend pied à pied. Lui, pour qui le monde se divise en 2 catégories, la bourgeoisie et les gens du quartier, les musulmans et les autres, et qui raconte par ce prisme cette journée du 6 mars lorsque son frère vole le scooter T-Max. On partait acheter une veste de moto, on roule. Subitement, mon petit frère me dit « Arrête-toi », explique Abdelkader Mera depuis le box. Moi, je ne fais pas attention, puis je vois mon petit frère passer sans casque à fond. Mohamed Mera qui lui expliquera plus tard « J'ai vu les clés dessus, une occasion comme ça, ça ne se présente pas 2 fois ». Vendredi 13 octobre 2017, Paris, Palais de Justice. Dans la grande salle de la cour d'assises, Abdelkader Mera est interrogé sur le vol du scooter T-Max, l'élément à charge le plus fort. Ce jour du 6 mars 2012, il explique « En tant que musulman, je suis choqué de ce vol effectué par mon frère. Mais en tant qu'humain, vous savez, les vols de scooters dans les quartiers, oui, sauf que ce scooter a servi à tuer », lui répond l'avocat général. « Je ne connaissais pas les intentions de mon petit frère. Je vois bien qu'on essaie de me sauter dessus, mais je ne suis pas Mohamed Mera. » Ce qui est frappant dans ce dossier, c'est la faiblesse des preuves. Une brèche dans laquelle les avocats de la défense d'Abdelkader Mera n'hésitent pas à s'engouffrer, bien sûr. Ils sont 3. Le ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, entouré de 2 jeunes avocats, Archibald Céléron et Antoine Vey. Dupond-Moretti, qui a autant de faire savoir que de savoir-faire, a pourtant choisi cette fois de ne pas communiquer dans les médias pendant toute la période du procès. Certes. Mais il a accepté d'être suivi par les caméras de Justine Lafont et de David Calvé pour le documentaire « Défense interdite ». Dans son bureau, cigarette à la main, il commente la situation. Tout est sujet à polémique. Il faut absolument crever Abdelkader Mera. Et ça, c'est ce que j'avais imaginé. C'est ce qui s'est passé. Et puis, il y a la réalité. La réalité, c'est que après 2 semaines, il n'y a mais strictement aucune preuve contre lui. Et donc, on entre dans la phase de... religiosité, si j'ose dire. Donc il va falloir maintenant tenter pour les parties civiles et l'accusation une démonstration folle qui est, je schématise, ils sont sur la même longueur d'onde sur le point religieux et donc l'un est le complice de l'autre. Est-ce que ça en soi, ça constitue des preuves ? Lundi 16 octobre 2017. Ce jour-là, à l'audience, un policier vient témoigner à visage découvert. Depuis le début du procès, la plupart des forces de l'ordre gardent l'anonymat. Lui s'appelle Christian Valauduit. Anduit, c'est l'ancien patron des RG toulousains. Il raconte la montée du salafisme dans la région dès 2006 et déclare « Après le meurtre des militaires, la piste djihadiste me semble la bonne. » Un sentiment déjà partagé par beaucoup. Mais la direction centrale des renseignements venus de Paris, elle, suit la piste de l'extrême droite. 4 jours avant la tuerie de l'école juive, Christian Valauduit transmet à sa direction une liste de 13 noms, parmi lesquels figure celui de Mohamed Mera. L'un des avocats des parties civiles, Olivier Maurice, estime alors que les autorités étaient au courant de la dangerosité de Mera et que cette histoire de loup solitaire n'est qu'une fable. Comment pouvons-nous, en tant que partie civile, donner du crédit à ceux qui, depuis 2012, nous affirment que Mohamed Mera n'a agi que comme un loup solitaire et qu'on ne pouvait pas prévenir les actes criminels qu'il avait accomplis. Au-delà de la tragédie que l'on a vécue, on est confronté à un mensonge d'État qui est indigne et qui est révélé aujourd'hui dans ce procès. Mercredi 18 octobre, place à l'audition de la mère de Mohamed et d'Abdelkader Mera. Elle porte un voile jaune et une tunique beige. Elle est venue défendre Abdelkader jusqu'au bout, quitte à mentir. Son ex-mari ? Non, il n'était pas violent. Abdelkader ? Non, il ne l'a jamais frappé. Les sévices d'Abdelkader envers Mohamed ? Elle ne sait pas. Enfin, ce parloir avec Abdelkader où la mère et le fils évoquent Mohamed Mera, parti pour la bonne cause. Là aussi, elle nie. Mais le parloir était sur écoute, rétorque le président. « Eh bien, ramenez-moi l'enregistrement », clame-t-elle. Face au mensonge de la mère, l'un des avocats de la partie civile s'exclame. « Les familles ont le droit à la vérité. Elles l'attendent depuis 5 ans. » La salle est sous tension. Et c'est à ce moment-là qu'Éric Dupond-Moretti tient des propos sur la mère des frères Merah. Paroles qui vont profondément choquer la salle. L'avocat revient sur cet épisode dans le documentaire Défense Interdite. Et moi je dis que c'est une situation qui n'est pas confortable, c'est le moins qu'on puisse dire pour elle, puisqu'elle a un fils qui est dans le box, et qu'elle en a perdu un autre. Et là, levée de bouclier de mes confrères de la partie civile, au motif que je ne peux pas dire qu'elle a perdu un fils. Il y a une tartufferie et une hypocrisie incroyable là-dedans. Il se lève, il se drape dans une espèce de dignité pour dire « Mais comment vous osez ?» Mais j'ose quoi ? J'ose dire, elle a perdu son fils, c'est vrai ? Pour l'un des frères d'un militaire tué par Mohamed Merah, la phrase de Dupond-Moretti est insupportable. Alors il se lève et hurle « Taisez-vous, vous n'avez pas la honte, vous êtes méchant, vous êtes de la merde. » C'est le chaos dans la salle, mais l'audience se poursuit. À l'extérieur, la mère des frères Merah est aussitôt encerclée par une meute de caméras et de micros. Et les journalistes la poursuivent avec cette question « Pourquoi avez-vous menti ?» Pourquoi vous avez menti ? Ben, j'ai menti. Mais pourquoi, madame, vous avez menti ? Hein ? Pourquoi vous avez menti ? Ça fait que j'ai menti aujourd'hui ? Le lendemain, place à l'audition d'un agent du renseignement intérieur. Surnommé Hassan, il livre son récit sous anonymat. La voix est camouflée, sa silhouette n'apparaît même pas en visioconférence. Fin connaisseur de l'islam et des quartiers toulousains, il livre ainsi son analyse. Mohamed Merah a été éduqué selon les modes de référence de son frère Abdelkader, parti en 2009, suivre un cursus idéologique au Caire sur les traces des frères Klein, deux figures du djihadisme. La thèse de Mohamed Merah, loup solitaire, est encore mise à mal, et Abdelkader apparaît comme un pilier du djihadisme. Mais il manque toujours des preuves matérielles concernant son implication dans les tueries. Mercredi 25 octobre, un petit homme barbu s'avance à la barre. Il assiste depuis le début du procès à toutes les audiences. Il s'appelle Samuel Sandler. Il a perdu un fils et deux petits-fils dans la tuerie de l'école juive aux Aratora. Il déclare, en sortant de la maison, Gabriel avait encore la tétine à la bouche. Mais comment peut-on assassiner un enfant avec une tétine ? Des larmes coulent dans la salle. Albert Chenouf, le père d'Abel, l'un des deux militaires tués à Montauban, vient témoigner à son tour. Il tient une photo de son petit-fils, orphelin, né quelques semaines après l'assassinat de son père. Et il dit « La famille Merah a tué mon fils, mais ils ne tueront pas l'amour. » Radia Lawad, la sœur du militaire assassiné Mohamed Lawad, explique à la cour « Moi aussi j'avais un petit frère, mais j'étais fier de mon petit frère. » Il ne tuait pas des enfants. On évoque ensuite les vidéos des crimes. Mohamed Merah les a filmées avec une GoPro. L'avocat général s'exclame. Ces films sont d'une cruauté insoutenable. Le ministère public n'est pas favorable à leur diffusion. La salle ne verra donc pas ces images. Ce qu'elle voit en vidéo, c'est le seul survivant des crimes de Merah, le militaire Loïc Liber. Il n'a pas pu venir au tribunal. Il est tétraplégique, atteint par les balles du terroriste. Depuis 5 ans, il vit des douleurs insupportables dès le réveil. Submergé par l'émotion, il coupe la caméra. Le lendemain, place aux plaidoiries des parties civiles. Charlotte Piret les raconte au micro de France Inter. N'avançant chacun à leur tour à la barre, ils le savent au plus profond d'eux-mêmes. Après eux, les voix des victimes et leurs proches se tairont. Tant que nous plaiderons, ils ne seront pas tout à fait morts, espère même Maître Simon Cohen. Alors ils livrent à la cour leur dernier message. Eva Sandler, cette femme qui a perdu son mari et ses deux fils dans la tuerie de l'école juive, Eva Sandler m'a dit « Ne parlez pas des enfants morts ensanglotés, parlez de la vie », plaide Maître Meslia. Et en effet, ils invoquent la vie, le ciel bleu, la littérature, la démocratie aussi, celle qui répond à l'horreur par ce procès. Notre démocratie peut être fière de la façon dont elle traite ceux qui veulent sa mort, plaide Maître Soucy, avant de sonner la charge contre les deux accusés. Abdelkader Merah, si on l'écoute, c'est le Martin Luther King des Isards. Mais moi, je suis là parce que je n'ai pas l'ombre d'un doute. Maître Cohen ne dit pas autre chose. Il a été là tout le temps, comme s'il avait tenu la main de Mohamed Merah. Il a trouvé un disciple, il en a fait un soldat. Lundi 30 octobre, au terme de son réquisitoire, l'avocat général lance à la cour. « Je vous demande de condamner Abdelkader Merah à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. La peine maximale. Dans la salle, on applaudit. De leur côté, les trois avocats d'Abdelkader Merah combien plaider l'acquittement. Comment ? Élément de réponse, avec l'immersion dans la préparation de leur plaidoirie que propose le documentaire Défense Interdite. On y retrouve Éric Dupond-Moretti et ses deux jeunes confrères, Archibald Céléron et Antoine Veil. Il faut quand même qu'on compte sur des juges extrêmement, extraordinairement courageux. Bah oui. Moi, je ne les connais pas, les magistrats. Je sais qu'il y a une pression inouïe. Il faut absolument que ça marche. L'opinion publique est chauffée à blanc. Donc, là, on est sur du tout ou rien. Je sais de quelle défense il rêve. Il rêve de trois pots de géranium devant Abdelkader Merah. Non, mais c'est de ça dont il rêve. Alors, conseil de vieux con, écrivez votre introduction, la conclusion si possible, et prenez le temps. On a le temps. Ils nous ont craché dessus depuis 5 semaines. Ils vont pas en plus nous bouffer notre espace. Bon, bah, je sais. Non, je sais à quoi j'ai passé mon week-end. Il n'y a plus de place pour la presse ni les avocats. Mercredi 31 octobre, c'est l'heure des plaidoiries de la défense. Le palais de justice est plein à craquer. Archibald Céléron est le premier des trois avocats à s'exprimer. Il va tenter de démonter les éléments à charge du dossier et, en premier lieu, le vol du scooter. 4 ans d'instruction, 117 tomes de procédure, 250 fonctionnaires mobilisés sur les 9 mois d'enquête, et qu'avons-nous ? Un blouson et un scooter. Ce qui est, en soi, ridicule. Abdelkader Merah risque la réclusion criminelle à perpétuité pour un scooter qu'il n'a jamais touché, produit d'un vol improvisé, un vol d'opportunité. L'avocat termine en précisant que la décision des juges ne lavera ni le sang des victimes, ni ne séchera les larmes des familles. « Vous devez acquitter Abdelkader Merah », conclut-il. Éric Dupond-Moretti, lui, reprend les arguments de ses deux jeunes confrères avec une formule choc. Abdelkader Merah est le terroriste le plus con de la planète. Il va d'abord parler spontanément du scooter. Il va conserver des fichiers sur son ordinateur. Si Abdelkader Merah est ici, c'est parce que son frère est mort. Et si Mohamed Merah était dans le box, il y serait seul. Avant de demander à son tour l'acquittement. Dans les rangs des familles de victimes, l'ambiance est glaciale. C'est dire l'état de nerfs de tous les acteurs de ce procès. Le jeudi 2 novembre, tout le monde attend la décision de la cour d'assises spéciale avec fébrilité. Voici les réactions des proches des victimes. Depuis le début, il ment, continue à mentir jusqu'au dernier moment. Il n'a même pas eu un mot aimable pour les victimes, parce qu'ils sont fous. Aujourd'hui, on attend cette lumière. Ça fait 5 ans qu'on est à l'ombre, et j'espère que cette lumière s'allumera aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez du verdict aujourd'hui ? Une réponse ferme. Une réponse à perpétuité. Après 5 semaines de procès et de longues heures de délibéré, le verdict est prononcé. Abdelkader Merah est jugé coupable d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des 2/3, autrement dit, à l'ombre pour un bon moment. Mais il n'est pas reconnu coupable de complicité dans les tueries commises par son frère, Mohamed Merah. Quant à Fethar Malki, dont on a peu parlé dans ce récit, étant donné le second rôle qu'il a joué dans cette affaire, il écope d'une peine de 14 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Le verdict est applaudi et certains cris fusent dans la salle. Crève, Merah! Quant à Éric Dupond-Moretti, qui s'exprime enfin devant tous les médias à sa sortie de la salle d'audience, il doit attendre que des militants juifs extrémistes arrêtent de le siffler et de l'insulter. En acquittant Abdelkader Merah du crime de complicité d'assassinat, la cour d'assises a rappelé que même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n'étaient pas reléguées au rang d'accessoires. J'ai une pensée pour le désarroi et le chagrin des victimes, injustement confrontées à un faux coupable que l'on a fabriqué pour étancher leur soif de justice. Au lendemain du verdict, le parquet fait appel de cette décision de justice. Un an et demi plus tard, Abdelkader Merah est cette fois reconnu coupable de complicité dans les tueries perpétrées par son frère, Mohamed. Il écope d'une peine de 30 ans de prison, dont 20 ans incompressibles. Deux cours d'assises différentes et deux verdicts différemment motivés. L'intime conviction est quelque chose qui peut basculer d'un jury à l'autre. Finalement, avec peu de preuves et un grand absent, Mohamed Merah, la justice a dû faire face au premier grand procès pour terrorisme du XXIe siècle. Septembre 2021, Palais de justice de Paris. Ce jour-là, c'est l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Hors norme aussi, bien sûr. 9 mois d'audience, 14 accusés, 1765 parties civiles, 330 avocats. Mais cette fois, sur le banc des accusés, se trouve Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos terroristes du 13 novembre. Cette fois, la cour et les victimes n'auront pas affaire à un fantôme. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le procès d'Abdelkader Merah. Notre invité, Charlotte Piret. Bonjour. Bonjour. Journaliste justice à France Inter. Vous êtes co-autrice de l'ouvrage que je tiens entre mes mains, qui s'appelle Chronique d'un procès du terrorisme, l'affaire Merah, publié en 2019 aux éditions La Martinière avec France Inter. Vous avez co-écrit les textes avec Antoine Mégy et Florence Turme. Les dessins sont de Benoît Perruc et la préface d'Henri Leclerc, le grand avocat combattant historique des droits de l'homme. Je vous voyais feuilleter ce livre pendant le récit. En tout cas, pendant le disque, vous avez peut-être puisé dans vos souvenirs. À l'écoute de ce récit, au-delà même, quel est le premier souvenir qui vous revient de ce procès ? L'image la plus forte pour vous ? Je pense que c'était le jour de l'ouverture, sans grande surprise. Finalement, c'est ce moment où on voit les accusés, et particulièrement le principal, Abdelkader Merah, arriver dans le box. Parce que nous, quand on travaille sur des dossiers terroristes, on travaille en amont sur des dossiers, des éléments qu'on peut obtenir. On lit parfois certains interrogatoires, mais on n'a pas la personne en face de nous. Et donc, c'est toujours le moment où on le découvre. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont toujours assez intéressants, parce que on voit finalement un homme, l'accusé, à quoi il ressemble, comment il s'exprime pour les premiers mots, etc. C'est toujours des moments assez forts dans les procès d'assises. Et puis, l'autre élément qui est moins un souvenir que finalement, j'ai pas rouvert ce livre pour tout vous dire depuis qu'il est sorti. Et j'étais étonnée à la fois en réécoutant le récit et en le feuilletant un petit peu à quel point ce procès-là nous donner déjà tous les éléments et à quel point on retrouve énormément de choses qu'on va voir ensuite dans tous les procès qui se suivent jusqu'à celui dont vous avez évoqué à la fin, le procès des attentats du 13 novembre qui se déroule en ce moment, à quel point ça n'a pas beaucoup changé finalement et les parcours, les éléments sont encore les mêmes aujourd'hui. Et l'affaire Mohamed Merah est le début finalement de cette période cauchemardesque djihadiste. Il y a eu d'autres attentats à Paris bien sûr, mais c'est perpétré par d'autres organisations. Là, Merah, c'est le début de tout ça. C'est le début de tout ça et puis c'est même la matrice en fait finalement. C'est-à-dire que le parcours de Mohamed Merah, ce parcours délinquentiel et puis avec une radicalisation, celui de son frère Abdelkader Merah et son influence, le fait qu'il parte en Égypte, la casse prison et la radicalisation, certains personnages, les frères Klein, tous ces éléments-là en fait on les retrouve dans les affaires successives, que ce soit les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo, au Montrouge et l'hypercachère, que ce soit les attentats du 13 novembre qu'on juge en ce moment. C'est véritablement l'histoire, le début de l'histoire de cette ère d'attentats voilà, qui débute en 2012 et qui ne s'est pas véritablement achevée malheureusement. Alors je précise au passage que le livre dont nous parlons est somptueusement orné de dessins, il y a beaucoup de dessins puisque en France on ne peut pas filmer les procès sauf pour les archives et certains procès, donc il y a beaucoup de dessins, vous verrez, et je reviens sur le fond. Évidemment, on a tous pensé, y compris nous qui n'avons pas assisté au procès, ça n'était pas celui de Mohamed Merah, et pour cause, c'était celui de son frère. Donc ce côté, finalement, le vrai accusé, si j'ose dire, est un fantôme. Est-ce que ça a pesé, ça a dû peser sur le procès, évidemment, et peut-être générer un manque d'intérêt, de motivation, peut-être ? Pas de la part de ceux qui ont participé au procès, ce sont tous des professionnels évidemment, des avocats, juges, mais de la part de l'opinion publique. Ça a pesé, c'est certain, et d'ailleurs il y a eu cette ambiguïté qui a duré pendant toute la durée de ce procès, c'est, on l'a appelé le procès Merah, finalement. Oui, mais oui. Et pas forcément le procès Abdelkader Merah. Effectivement, ça a pesé, comme ça a pesé dans les procès suivants, quand on n'a pas les auteurs et on n'a pas une personne physique en face de soi. Ça a pesé parce que on a entendu, et d'ailleurs ça a été reproché par les avocats de la défense, on a entendu des témoins de personnalité de Mohamed Merah, par exemple, au procès Merah, et non pas d'Abdelkader. On a entendu des gens venir nous parler de quelqu'un qui n'était pas jugé. Mais c'est toute l'ambiguïté de ces procès terroristes, c'est-à-dire que les auteurs directs ne sont pas là. Vous parliez, par exemple, de Salah Abdeslam, qui certes est dans le box pour le procès des attentats du 13 novembre, mais qui est aussi quelqu'un qui certes a fait partie des commandos, mais s'est probablement désisté au dernier moment, et donc n'a pas non plus été là sur les scènes de crime à proprement parler. Donc on n'a pas, à part pour le procès de l'attentat du Thalys, par exemple, où on a eu la figure principale, c'est très très rare, et la justice a dû apprendre à juger avec des fantômes, effectivement. C'était très marquant, très pesant au procès Merah, pour le coup. Après, au fur et à mesure, peut-être, je ne sais pas si on s'est habitué, mais en tout cas, on a appris à faire avec et finalement à regrouper des éléments autour, via l'entourage, l'univers, etc., pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse ces jeunes, parce que ce sont essentiellement des jeunes gens, à basculer dans une idéologie mortifère au point d'être capable de tuer leurs semblables. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent au fur et à mesure des affaires, et j'entendais le témoignage de la sœur de Mohamed Ibn Ziaten qui disait il a été tué par quelqu'un qui portait le même prénom que lui et qui avait le même âge que lui. Et c'est une réalité qu'on a retrouvée par ailleurs. C'est encore vrai au Bataclan, le nombre de jeunes gens qui avaient exactement le même âge que leurs assassins, parfois venaient des mêmes milieux, parfois les mêmes confessions. C'est quelque chose aussi qui est propre à ce terrorisme-là, finalement. Alors, le danger, l'inquiétude que pouvait générer le fait qu'il n'y ait pas Mohamed Merah, mais que, si j'ose dire, Abdelkader, c'est pour le côté catharsis d'un procès. C'est tellement important pour les victimes. Alors, on dit aider à faire son deuil, bon, c'est une expression qu'on emploie souvent, mais ça veut dire que ça a du sens, hein, ça veut dire quelque chose. Et le procès est fait pour ça. Est-ce que, malgré tout, cette catharsis a été menée? Je rebondis, hein, je n'oublie pas votre question, mais elle est d'autant plus importante que ces procès-là ne sont pas uniquement pour les parties civiles, c'est un besoin de catharsis qui est national. Mais bien sûr. Ce sont des événements qu'on a tous vécus, sur lesquels on a tous été profondément touchés. C'est vrai pour les attentats de Toulouse et Montauban, c'est vrai pour les attentats de janvier 2015, c'est peut-être encore un peu plus vrai au moins par le nombre pour les attentats du 13 novembre 2015. C'est des attentats qui nous ont tous meurtris, et d'ailleurs c'était leur objectif, c'était de viser la France entière. Donc le besoin de catharsis, il est réel et c'est une évidence. Je pense, en tout cas pour les parties civiles, que la plupart du temps, leurs avocats les aident à avancer sur ce chemin en les prévenant que le procès ne réglera pas et ne va pas résoudre leur stress post-traumatique, leur douleur, etc. Un procès ne résout jamais ça. Malgré tout, il permet d'essayer de comprendre, et c'est ce à quoi la justice sert aussi, Où y a-t-il eu des failles? On sait qu'il y en a eu dans l'affaire Merah. On sait que Mohamed Merah a été suivi, a même tenté d'être éventuellement recruté par les services de renseignement français. On sait qu'il y a des ratés. Mais comme il y en a eu pour les frères Kouachi, comme il y en a eu pour Amédi Coulibaly, comme il y en a eu pour les auteurs du 13 novembre, l'idée, c'est aussi de pouvoir comprendre où ces failles ont existé, comment effectivement peut-on faire pour qu'elles de telles failles ne surviennent plus. Comment, encore une fois, c'est cette idée aussi d'essayer de comprendre comment des jeunes qui sont français, qui ont grandi en France, qui ont été à l'école de la République, peuvent se retourner à ce point-là contre leur patrie et leur nation d'origine. Et la justice peut servir à ça. Alors toutes les réponses ne sont jamais apportées, mais on a parfois des éléments qui peuvent aider à une certaine forme de compréhension, en tout cas. Et je pense que les victimes, les parties civiles du procès Merah, en l'occurrence, certaines en ont en tout cas retiré quelque chose. Et d'ailleurs, elles ont été très assidues à ce procès-là, sans doute parce que ça leur permettait d'avoir des éléments, sinon d'apaisement, au moins de compréhension. Est-ce qu'il y avait un risque, et d'ailleurs est-ce qu'il a été pris, finalement, que ce soit aussi le procès des services intérieurs? Parce qu'on aurait pu tomber dans ce travers-là. Je rappelle que les services intérieurs, du renseignement intérieur, travaillent tous les jours et probablement nous évitent tous les jours des attentats. Je dis probablement. C'est toujours un peu lisse parce que, et d'ailleurs, pour être très honnête, j'ai pas le souvenir que cette phrase ait été prononcée au procès Merah, mais je l'ai entendue dans d'autres procès, des membres des services de renseignement qui viennent toujours témoigner, c'est souvent le cas en général de manière anonyme, et qui disent un attentat est toujours un échec pour nous, évidemment. C'est-à-dire que c'est le signe d'un raté quelque part. Un défaut de prévention, bien sûr. Voilà. Donc oui, il y a toujours, et il y a toujours une demande, une attente, notamment des parties civiles et de leurs avocats, par la voix de leurs avocats, d'essayer de comprendre et parfois de manière un peu vindicative, on peut le dire, dans leur questionnement. C'est une réalité. Maintenant, c'est encore une fois nécessaire de pouvoir comprendre où les choses, où les failles sont là, mais c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le risque zéro qui n'existe pas, l'impossibilité de surveiller l'ensemble des Français, etc. Même si, de manière très précise, il y a toujours des moments où il y a eu des ratés, c'est inévitable. Charlotte Piré, on se retrouve dans 3 minutes, on va écouter Émilie Loiseau qui nous chante « C'est les circonstances, le poids de l'existence ». Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Affaires sensibles, le procès Mera dont nous parlons avec notre invitée Charlotte Piret, journaliste de justice à France Inter. Vous savez, j'ai dit le procès Mera, maintenant comme un réflexe, c'est bien le procès Abdelkader Mera, pour des raisons évidentes, ça n'est pas celui de Mohamed Mera. Parlons de la mère des deux, voilà, madame mère de Abdelkader et de Mohamed. Alors beaucoup de choses ont été dites sur son comportement, beaucoup... la comprenait, le sentiment de mère, et puis d'autres la comprenaient pas, puisqu'elle fait ses fils. Quel souvenir vous avez-vous du comportement de Madame Mera? Qu'est-ce que vous, on peut en dire? D'autant plus avec le recul, parce que la passion est passée maintenant, hein, c'est d'ailleurs l'avantage d'affaires sensibles, c'est de parler après la passion. Il y a eu deux temps, en fait, vis-à-vis de la mère des fils Mera. C'est, il y a eu, dès le premier jour, et ça, vous l'avez évoqué notamment dans votre récit, elle, quand elle vient pour l'appel des témoins, elle est là le premier jour, elle vient physiquement, elle envoie un baiser, oui. par la vitre du box à son fils et elle part sous les insultes. Il y a eu ce premier temps qui finalement l'a cataloguée d'une certaine manière ou l'a placée en tout cas. Et puis il y a eu le jour de son audition effectivement à la barre. Elle a menti dès le début de manière presque outrancière, peut-on dire. En tout cas, elle a menti elle a nié jusqu'aux évidences. C'est son droit devant la cour d'assises parce que les témoins qui ont un lien direct avec les accusés ne doivent pas prêter serment. Ah, c'est la règle de procédure pénale qui le veut. Et donc finalement, elle ne commet aucun délit en mentant à la barre. Voilà. C'est la première phase. On sait, je pense, ce jour-là, au bout de 5 minutes, que cette femme ment et que finalement, on n'en aura rien. Oui. Rien d'intéressant. Mais ça dure des heures, et des heures, et des heures, sous grande tension, avec cette volonté notamment des avocats de partie civile d'essayer de malgré tout avoir des informations. Et en fait, cette femme, aujourd'hui avec le recul et les autres procès, elle a incarné ce que beaucoup de parents de djihadistes incarnent quand ils viennent à la barre, c'est-à-dire que, comme c'est le cas de Mohamed Mera, leurs fils, leurs frères, leurs sœurs, leurs maris, qu'importe, ne sont plus là pour répondre de leurs actes, mais qu'on a ce besoin de comprendre, parce que le terrorisme, ça crée de l'incompréhension. C'est impossible, nous, dans nos valeurs de société, de comprendre comment on en arrive là. Et donc, on a ce tel besoin de comprendre qu'on veut à tout prix comprendre avec ce qu'on a de plus proche, c'est-à-dire les parents des accusés. Et c'est vraiment un schéma qu'on retrouve de procès en procès. On l'a encore vécu là, juste avant les vacances de Noël, au procès des attentats du 13 novembre. C'est cette volonté à tout prix, finalement, d'extorquer des choses depuis les proches des accusés qui, soit n'ont pas envie, soit mentent, comme la mère Mera, soit sont eux-mêmes totalement démunis d'avoir vu leur fils partir en Syrie et devenir des meurtriers, ce qu'ils réprouvent. Et finalement, on n'en tire jamais rien, et c'est toujours extrêmement décevant. Et la mère Mera, c'est ce qui s'est passé. Alors effectivement, il y a eu cette scène avec Éric Dupond-Moretti, hein, c'est aussi la mère d'un mort, qui, je pense, a été le point, finalement, qui a été le point d'orgue et qui a fait exploser tout le monde parce que la tension était telle que, voilà, ça a craqué sur cette phrase-là, ça aurait pu craquer sur une autre. Enfin, personne n'oublie quand même qu'on est face à une femme qui est mère d'un fils qui a tué 3 enfants et qui est mort après. On imagine, on peut pas juger. C'est impossible de juger le comportement d'une femme qui se retrouve prise dans ce drame-là. Enfin, c'est un drame de femme, c'est un drame de mère. Ça dépasse tout ce qu'on imagine. Et qui tente coûte que coûte de défendre celui qui est dans le box aussi et qui encourt la perpétuité. Je pense qu'effectivement, c'est très difficile à comprendre. Et voilà, ça a mené à des passe-entendements, en fait. Finalement, oui. Et voilà, sans doute qu'il y a peut-être une forme de raté éducatif de sa part, mais c'est pas ce qu'on juge, en fait. Finalement. Alors les avocats, bon, évidemment, c'était difficile pour eux. Mais enfin, ce sont des professionnels, comme disait Badinter. Défendre un accusé, c'est pas aimer l'accusé, c'est aimer défendre l'accusé. Donc ils se retrouvent vraiment dans ce cas de figure, les trois. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de preuves matérielles. Donc ce qui pour un avocat est intéressant. Quel regard vous portez sur les trois avocats? Je veux pas dire Dupond-Moretti au-dessus des autres, finalement, les trois avocats. Alors, c'est vrai qu'Éric Dupond-Moretti a occupé beaucoup de place, parce qu'Éric Dupond-Moretti, dans un prétoire, il occupe beaucoup de place. Et en dehors du prétoire. Et en dehors du prétoire aussi, parfois. C'est une infraction, en fait. Éric Dupond-Moretti, c'est son premier procès terroriste. C'est pas sa spécialité, finalement, le terrorisme. Et l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, pour laquelle a été condamné Abdelkader Mera, puisqu'il a été acquitté de la complicité, mais condamné à 20 ans en première instance pour l'AMT, comme on l'appelle, c'est une infraction très, très particulière. C'est une infraction dont, d'ailleurs, l'interprétation continue à évoluer avec le temps. Parce que c'est une infraction, alors ses détracteurs disent « fourre-tout ». Et c'est vrai que derrière cette infraction, on peut avoir à la fois quelqu'un qui va aider, acheter un billet d'avion et conduire quelqu'un à l'aéroport pour qu'il parte en Syrie. On va avoir quelqu'un qui tente de se rendre en Syrie mais qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui en revient, quelqu'un qui a combattu, quelqu'un comme Abdelkader Mera. Et en fait, on a une multitude de profils qui se retrouvent tous jugés sous le nom de cette même infraction. Et donc, C'est toujours très vaporeux comme ça finalement, et pas simple, mais aussi très intéressant, je pense, pour un avocat de la défense, que de pouvoir s'engouffrer là-dedans et pouvoir aller pied à pied combattre. Et il y avait de quoi faire, hein, pour la défense d'Abdelkader Merah, c'est une réalité. D'ailleurs, ses avocats sont parvenus à obtenir l'acquittement en première instance des faits de complicité, parce qu'il y avait un débat, en tout cas, finalement, la cour d'appel aura tranché et il a été condamné pour ces faits en appel. Oui, il y avait ouvertement quelque chose à défendre. Il y avait quelque chose à défendre et ils l'ont fait très bien. Éric Dupond-Moretti, bien sûr, mais Antoine Vey, Archibald Celeron, il a 30 ans quand il plaide pour Abdelkader Merah dans un des plus gros, enfin le premier dossier terroriste d'une telle ampleur, dans un des plus gros dossiers, et il fait ça admirablement bien. Vraiment, ils ont mené cette défense comme des avocats le font, mais il faut dire que c'est régulièrement, ce sont des avocats souvent de très grande qualité qui défendent les djihadistes aujourd'hui qui sont jugés et des gens qui, rappelons-le, parce que c'est pas toujours une évidence pour tout le monde, qui évidemment ne cautionnent jamais les faits qu'on reproche à leurs clients. Simplement, leur posture pour la plupart d'entre eux, c'est de dire nous on est là pour la garantie de l'état de droit, parce que chaque homme en France est présumé innocent et a droit à une défense équitable. Absolument. Merci infiniment, Charlotte Piret. Je rappelle les coordonnées du livre que vous avez coécrit avec Antoine Mégy et Florence Turme, qui s'appelle « Chronique d'un procès du terrorisme ». L'affaire Merah, coédité par La Martinière et France Inter. C'est très instructif et les dessins sont très intéressants. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, le procès Abdelkader Merah, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.